Le premier ministre coréen Park Bong-joon a inspecté les chantiers de construction de l'avenue du Myon. Faisant le tour de divers endroits, surtout le chantier de construction de l'immeuble d'habitation à 69 étages, il a encouragé les militaires et autres bâtisseurs. La réunion consultative tenue sur place a discuté des problèmes posés pour terminer rapidement les travaux. Précédemment, le premier ministre a inspecté la mine houillère de Saliwon et discuté des problèmes pour l'augmentation de production.